Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux Africains ici qu'à partir d'un petit téléphone portable, les gens ont le monde à leurs pieds. Hein. Nous sommes des rigolos. On nous regarde en Amérique latine, on dit que mais ils sont encore à ce stade? Ils sont encore à ce stade? C'est ça. En Amérique latine, la Cour pénale ne le fait même plus dans un pays d'Amérique latine. Vous savez que M. Macron s'est agenouillé devant M. Maduro en Égypte? COP 27. Mais, et vous savez qui a ri? M. Mélenchon. Et dit vraiment, le pétrole fait quelque chose. Hein. Regardez M. Macron à genoux devant M. Maduro. Mais il expliquait que M. Maduro n'est plus chef d'État. Vous ne connaissez pas leur chef d'État? Le Venezuela a tenu. Parce que le peuple est patriote. L'armée est patriote. Afrique Média, le monde, c'est nous.